Vous écoutez Radio Différence, l'émission radio nantaise de diversité psychique. Vous pouvez nous écouter sur le site www.radiodifference.eu. Si vous voulez participer, vous pouvez nous contacter à radiodifference@hotmail.fr. Bonjour, je m'appelle Rémi. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent puis de poésie. Bonjour, je suis André. Donc, un petit texte sur l'argent. Vivre avec les moyens qu'on a. Dépenser, payer, acheter, se dépenser, s'exprimer, rencontrer les autres, écouter. L'argent est une énergie qui est faite pour circuler. Certains vivent de peu, d'autres vivent sur un grand pied et pensent que la vie est abondance inépuisable. Mais nous, les fatigués, les petits, les faibles, qui ou qu'est-ce qui nous redonnera la confiance, l'espoir, la richesse? Dans le monde, il y a des inégalités. Des riches très riches et des pauvres très pauvres. Certains d'entre nous se sentent infirmes, démunis, incapables. C'est difficile parfois de continuer d'y croire. De quoi sera fait l'avenir? Comment allons-nous nous en sortir? Bonjour, je suis André François et je voudrais parler un petit peu à propos de l'argent. L'argent, c'est un sujet important parce que, en tout cas dans ma vie, souvent j'en ai même eu suffisamment quand je travaillais en Suisse. C'était par rapport au salaire français, c'était très très étonnant d'avoir d'un seul coup en faisant quelques kilomètres, traversant la frontière, les salaires se doublaient d'un seul coup. C'était très intéressant. Bon, j'en ai eu à ce moment-là suffisamment. En même temps, quand j'en avais suffisamment, il y avait des dépenses que je me permettais, en particulier aussi pour ma famille, pour ma fille, que je ne me permets plus, qui ne sont plus possibles maintenant parce que j'en ai beaucoup moins. C'est quelque chose de très relatif. Quand on en a beaucoup, on peut en dépenser beaucoup. Et puis, quand on en a moins, eh bien, on en dépense moins. Et puis, on peut arriver aussi à un stade. J'ai été à un stade, tout à fait contraire, où j'étais totalement surendetté. Et puis, avec des revenus qui avaient énormément baissé, notamment pour des questions de santé, je ne pouvais plus travailler. Et, les allocations en France et en Allemagne, en ce temps-là, sont toujours soumis à des tas de dossiers qu'il faut rédiger, puis qu'il faut soumettre à diverses personnes, diverses commissions. Et ça prend toujours un temps long, plusieurs mois, bon, même parfois un an pour l'AH, ça m'a pris plus d'un an pour réussir à l'avoir en France. Donc c'est des temps très longs pendant lesquels j'ai eu des revenus très très bas. Et j'ai dû aller au Resto du Cœur, où finalement l'ambiance était très bonne, et où j'avais en tout cas largement de quoi me nourrir, sans frais. Ce qui fait qu'on peut vivre avec peu d'argent, on ne vit pas de la même façon. Puis les choses sont très mal faites, parce qu'ensuite, actuellement j'ai l'AH, et puis, j'ai encore un reliquat d'allocations chômage qui sont cumulables. Ce qui fait que j'ai, d'un seul coup, actuellement, trois fois plus de ce que j'avais au plus mauvais moment quand je suis revenu d'Allemagne, alors que je ne travaille pratiquement pas plus. Et le lien du travail avec l'argent, c'est quelque chose qui, à notre époque, semble évident, mais qui n'est pas forcément évident. Pourquoi, d'ailleurs, même quand on travaille, quand j'étais professeur de musique, je ne produisais rien. J'avais un salaire, et quand j'ai été prof en Suisse, j'avais un très bon salaire, mais qui n'était pas du tout en rapport avec ce que je produisais, puisque le fait que des enfants ou des adolescents apprennent des chansons, apprennent à lire certaines choses, apprennent à jouer en orchestre ou à chanter dans des chorales, ça n'a aucune valeur marchande. Alors, bien sûr, si on avait été les petits chanteurs à la Croix de Bois, on aurait peut-être pu vendre des concerts, mais c'est somme toute quelque chose de très rare que des cœurs d'enfants ou d'adolescents puissent gagner de l'argent avec un art. Donc en fait, j'avais un bon salaire alors que je produisais rien du tout. Ensuite, j'ai travaillé aussi dans l'industrie pharmaceutique où là, je produisais effectivement quelque chose, mais j'avais moins de salaire. Et puis ensuite, quand je travaillais pas, j'avais quand même des revenus. J'en ai eu peu, j'en ai eu un peu plus. Peut-être que ça baissera à nouveau. Il n'y a pas de rapport. Le fait qu'il y ait en fait une nécessité d'avoir de l'argent pour vivre dans notre société, et le fait que ce soit actuellement dans le système capitaliste, que ce soit lié au travail, c'est quelque chose qui n'a rien d'évident. Et ça fait déjà très longtemps que certains ont dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait un rapport entre les revenus et le travail. Parce que tout citoyen a le droit de vivre et donc a droit à un revenu. Et il y a maintenant, il y a plus de 100 ans que déjà des gens en Angleterre, en Grande-Bretagne ont dit ça. Dans la fin du XXe siècle, il y a pas mal d'économistes et puis de philosophes qui ont repris cette idée. Et ça s'appelle revenu universel, allocation universelle. Il y a plusieurs termes pour cela. Regardez sur Internet, il y a des sites extrêmement intéressants. Et moi qui suis maintenant à l'âge depuis quelques années et qui vois, qui côtoie beaucoup de gens qui ont des allocations, qui ont des pensions d'invalidité et qui vivent et qui font des choses et qui ont besoin d'argent, bien sûr, pour vivre, mais dont, en même temps, ce qu'il fait n'a pas forcément une valeur marchande. Mais qu'est-ce qui vaut vraiment dans la vie ? Avoir un grand compte en banque, quand on meurt, avoir beaucoup d'argent sur son compte, c'est quelque chose qu'on n'emporte pas. Par contre, les qualités humaines, les qualités de cœur, les qualités de relations qu'on peut avoir avec les autres êtres humains, peut-être qu'on ne les emporte pas si on ne croit pas à la vie après la vie, c'est vrai. Mais ceux qui restent, qui nous survivent, et il y en a toujours qui nous survivent, peut-être en gardent-ils quelque chose. Et peut-être, enfin, je dis peut-être, mais j'en suis sûr, que les qualités humaines sont bien plus importantes et fondamentales que les qualités économiques, les qualités marchandes, que ce... cette espèce de illusion de pouvoir, illusion de richesse qu'est l'argent. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Rémi. Je vais aborder une question douloureuse qui est la suivante. Comment peut-on vivre avec 800 euros par mois ? Effectivement, vivre avec 800 euros par mois, c'est peu. C'est peu. Ce qu'il faut se dire, c'est que le peu, c'est quand même moins que le rien du tout. Si on réfléchit un peu à ce qui se passait autrefois, où on mangeait, où on travaillait, où on avait peu de distractions et on dépensait peu, on vivait autrefois, la vie était plus autre que celle d'aujourd'hui. Comment vivre avec 800 euros par mois, c'est très difficile. Pour une personne seule, on y arrive. La preuve, je ne vais pas me placer en premier rang, je me place au rang dans le rang que j'occupe. J'ai vécu, moi, ici à Nantes, pendant 17 ans, sans voiture, presque sans téléphone, avec une allocation adulte, qui était l'équivalent maintenant qui est équivalent à 860 euros par mois. Si je me trompe pas. Donc maintenant, j'ai acquis une possibilité grâce à mon activité à avoir un peu plus d'argent, à être aidé par la Providence, par mon travail, pour avoir un peu plus de 800 euros. Je dis à ceux qui ont 800 euros qu'il ne faut pas tomber dans le désespoir de dire le matérialisme, a toujours existé. Il y a toujours existé des personnes qui avaient plus, qui ont plus de possibilités monétaires, financières que d'autres. C'est une réalité. Il faudrait un monde parfait. Le monde parfait, c'est le monde, peut-être le monde communiste idéaliste, qui n'a pas marché, ou dans les communautés, ou alors entrer dans la vie monacale, et puis travailler, et puis certains le font, il faut le reconnaître, certains le font, il y a des polytechniciens qui se retirent de la vie active, et qui prient, et qui dépensent très peu d'argent, qui vivent avec très peu. Moi, dans mon cas, j'ai vécu pendant 15 ans, je vous le répète, sans voiture, j'ai pas dépensé un litre d'essence pendant 15 ans là, de voiture. Après avoir fait des études supérieures, je me suis retrouvé sur le carreau, un peu aussi à cause de ma volonté, de m'isoler de mon travail de recherche de l'époque, qui était un peu pointu et qui aboutissait à des nécessités d'établir des rapports d'hydrogéologie. J'étais hydrogéologue de bonne qualité, je ne pouvais plus assurer cette bonne qualité, donc je me suis retrouvé sur le carreau. Avec 20 000 francs par mois, autant 20 000 francs devant moi, je me suis retrouvé pendant 20 000 francs par mois, et ces 20 000 francs, c'était en 82, ont été épuisés. Ces 20 000 francs ont été épuisés, et je me suis retrouvé en psychiatrie. En psychiatrie, on vous nourrit, on vous soigne, et il faudrait absolument que les gens évitent de tomber dans ce piège de la maladie que celle équivalente à celle qui m'a touché moi en 83-84. Ceci dit, je conseille à ceux qui ont peu de revenus de pas sous-estimer l'argent qu'ils ont et de pouvoir s'associer à des associations qui les regrouperaient pour avoir des liens sociaux et pas s'isoler du monde des gens qui travaillent. S'associer avec des gens qui travaillent pas et des gens qui travaillent. Ceci dit, on a prouvé avec le RMI les minima sociaux que c'est possible de vivre. Bien sûr, on peut pas former une famille, on peut pas forcément se marier, on peut pas avoir des enfants, c'est la vie, il faut accepter la vie comme elle est. Si on peut la changer, on peut la changer en trouvant des petits jobs. Peut-être si la société nous donne la possibilité de trouver des petits travaux 5 à 6 heures par semaine, ce serait déjà pas mal. Les travaux d'utilité collective autrefois, du temps des propositions, les travaux d'utilité collective, tout le monde râlait, mais maintenant, si on en avait, certains seraient bien contents d'en avoir. Parmi les groupes de personnes qui ont des maladies psychiques et qui pourraient très bien, et ça leur ferait beaucoup de bien, travailler 2 heures par jour. Mais seulement, le patronat veut pas. Il veut des personnes qui travaillent 35 heures par semaine et même plus. Ce qui est complètement incompatible avec notre position, à nous, qui est celle de dire qu'il faut des alternatives de travail avec la crise pour que les personnes, je parle pas de nous, je parle aussi de nous, mais je parle pas que de nous, je parle des personnes qui vont se retrouver sur le carreau, au chômage, sans activité, avec des enfants, des crédits, c'est pas possible. Il y a des gens qui vont se péter, c'est pas possible, il faut réagir. Et surtout, de donner des mi-temps, des tiers-temps à des personnes qui peuvent compléter leur ACEDIC et leur retraite. Mettre à la retraite des personnes qui sont handicapées, c'est l'équivalent de leur donner une allocation. Alors, on n'a qu'à donner des bonnes allocations, des bonnes retraites à ceux qui ne peuvent plus travailler, et puis leur donner des heures supplémentaires à huitième de temps, à 5-6 heures par semaine, pour compléter leur revenu. C'est ma solution. Je vous remercie. Donc, bonjour, je m'appelle Julie, donc je vais vous parler de l'argent. Les patients psy ont souvent des problèmes d'argent. L'AAH, l'allocation adulte handicapé, est scandaleusement basse. Et encore pour ceux qui l'ont. parce que moi je survis avec le RSA, le revenu de solidarité active, donc 404 € par mois. Je suis assez pingre et pourtant je n'arrive pas à survivre avec le RSA. Je suis obligée de vivre chez mes parents. Heureusement que je peux compter sur eux. Par ailleurs, dans beaucoup de cas, la maladie fait que les gens dépensent leur argent sans compter dès le début du mois en gaspillant leur argent dans tout et n'importe quoi et se retrouvent sans une thune à la fin du mois. Et maintenant, un peu de musique avec la chanson Nada que esperar du groupe Fluxi Vega. Je vais vous parler de l'acte gratuit et de l'activité créatrice en général de la part des amateurs, des semi-amateurs et des professionnels qui réussissent à placer leurs œuvres. L'acte gratuit, c'est l'acte gidien dans ce qu'il y a de plus gratuit dans la mesure où les créateurs n'arrivent pas forcément à récupérer le fruit de leurs activités artistiques. L'acte gratuit, c'est un travail qui consiste à faire un don de soi à travers l'activité créatrice, un don de soi aux autres pour permettre à d'autres de féconder leur activité créatrice propre dans la mesure où les enfants, les adolescents, les adultes peuvent être sensibles à des activités autre que la télévision ou les médias mass media habituels, qui sont, eux, gratuites ou peu payantes. Les arts, on les appelle les arts, il faut défendre l'activité artistique des enfants, dès le plus jeune âge, des expressions pour les prendre au sérieux pour ce qu'ils sont à tous les niveaux des classes et des grandes classes. L'activité créatrice ne s'arrête pas du jour au lendemain. Le travail créateur, c'est un travail difficile pour les professionnels, pour les amateurs, pour les amateurs. Il est très difficile à notre époque d'en vivre. C'est pour ça que nous avons, nous, des fois, la chance d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir exercer notre hobby, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, la sculpture, le théâtre, la poésie. Ici, c'est la poésie. La poésie, c'est la forme la plus épurée de la littérature. C'est une forme qui permet de travailler sur un quart d'heure, une demi-heure et d'obtenir un résultat. Un résultat esthétique, un résultat sensoriel, sensitif, signifiant, et qui puisse laisser une trace de notre parcours sur les années qui passent les unes après les autres. Un poème de Rémi de Roure. Petite fleur. Que fais-tu la nuit avec la lune qui luit? Je me repose sans chandelle, je me prépare pour le soleil. Je promène mes racines, j'en prends soin, elles s'animent. Elles vont discuter avec la terre et je bois sous terre. Dis-moi, petite fleur, qu'attends-tu au soleil? Je me régale de la lumière, je bouge légèrement mes feuilles, très lentement en silence. Dis-moi, petite fleur, que fais-tu en hiver? Je me prépare pour revenir au printemps prochain avec mes voisines. Dis-moi, petite fleur, puis-je me recueillir? Possible, car moi, en été, j'ai très soif tous les soirs. Alors, je te cueillerai et je t'offrirai à boire. Un sourire capricieux posé sur une montagne excitait l'appétit d'un mystérieux nuage. Poussé par je ne sais quel vent, il attirait au large les bateaux des démons. Alerté par une présence sculptée sur la falaise, les marins différaient sans cesse leur plaisir dont les corps magnétiques contenaient leurs désirs. Par moments, le regard devenait grave et sombre, et les régates du ciel perdaient de leur courage. Les ports endormis oubliaient les vertus, ainsi que les oiseaux sur les étraves des braves, bousculés par la houle, des pensées occupées, avec la manœuvre troublée par l'absence du corps. Il était inscrit sur certaines vieilles cartes qu'il était bien ailleurs, sur un autre rocher, tout seul, en deuil, voluptueux, majestueux, ne s'offrait qu'à ceux qui naviguaient heureux. La magie n'était point celle qui sévissait, telle une tyrannie travaillée sur la pierre, dont les joyaux cachés étaient bien dispersés, aux quatre angles de la terre jusqu'au calanque de l'Égée. Et maintenant, une poésie d'André. Une algèbre avec une fin de recevoir. Une autre manière de se revoir. Avant toute analyse littéraire. Calcul de pièces pour l'enfant. Début d'une stratégie pour débutants. Trigonométrie des adolescences. Logarithme des mixités. Calcul en série pour des initiés. Échec des retardés. Patiente ton âge sur la copie. Dissertation entre les équations. Manipulation des ampérages, physique qui se mélange, une loi de la place pour une place douteuse. Escroquerie du flirt hasardeux, paresse de l'arithmétique, paresse des nuls qui arrivent à la moyenne. Recherche dès la conception des molécules avec des titres, en solution autour des biologies. Développement en série, calcul matriciel pour ordinateur, enfin bref, plaisir du juste lorsque les notes arrivent. En bas des pages, comme une philosophie. Content, pas content, ce n'est pas plus cher pour les parents. Bonjour, un petit poème. Je prends mon dictionnaire de rimes pour commettre ce petit poème. Ça vaudra mieux que composer un crime, même si le prochain vers se termine par « je t'aime », ce qui n'est guère original, C'est un petit poème banal, mais rien ne m'empêche d'aller le murmurer à l'oreille de mon cheval, ce qui sera dans le genre assez rural. Ça me fera comme des vacances hors de la ville, où je me sens devenir futile. Poème. Travelot, c'est un sacré boulot, pas rigolo. On en bave des ronds de chapeau, et chaque fois qu'on baise, pour soi, tout seul, c'est zéro à zéro. Un coup d'épée dans l'eau, tu pisses dans un violon, et si ça te rend pas con, c'est que tu l'étais déjà avant. C'est l'avoir dans le cul, à la fin comme au début, c'est un sexe à pile, dont on se sert, et qui use et s'use d'une façon pas ordinaire. Autre poème. J'aime le Solian depuis longtemps, j'aime aussi le Xanax, ça me relaxe, j'aime le son du corps qui m'endort, j'aime le Tertian qui me détend, j'aime le Prozac, ça me donne l'agnac, le Dogmatil, ça me rendait futile, le Kitaxon me rendait con, le Temesta et le Valium me regonflaient comme de l'hélium. J'aime les petits oiseaux qui font cui-cui-cui dans les arbres. J'aime les chiens qui font oua-oua-oua dans la cour. J'aime les enfants qui me traitent de pédé quand je passe. J'aime les pédés qui ne m'accueillent pas quand je vais les voir. J'aime mon entreprise qui m'a viré. J'aime ma famille qui m'a dit d'aller me faire voir. J'aime le public qui me dit que je suis ridicule. J'aime la vie qui ne m'aime pas parce que je suis trop nul. J'aime bien la poésie quand ça rime en hull. J'aime les médecins, les médicaments psychotropes, l'hôpital psychiatrique qui lui aussi m'a viré parce que je suis trop normal. J'aime tellement de choses finalement que je ne peux énumérer. J'aime les lois, les règlements qu'il ne faut pas transgresser. Poème du 15 janvier 2004. 1h du matin, j'ai bien pris mes médicaments, il faut soigner ma maladie, le pas savoir quoi faire de la vie, ni comment s'endormir la nuit. Il faut soigner mon ennui, il faut guérir de la mélancolie, il faut trouver une étincelle pour aller vider la poubelle. Je me suis mise au rebut, triste sort pour un raté, peut-être avais-je une tare cachée. Peut-être avais-je une âme, un cœur, et que sais-je. Je marchais sous la pluie tout à l'heure, histoire de me faire un caractère bien trempé. Moi, je trouve ça ingrat, pas sympa. Les femmes, elles vont dans leurs beaux magasins, font leurs petits achats, pendant que nous restons à la porte et n'avons droit à rien. Nos amis, les hommes, ne sont pas acceptés dans notre magasin, même tenue en laisse, pancarte, exclusion. Scandale, déception, je proteste. On n'est pas des travelots, on n'est pas des homos, mais qu'est-ce qui nous reste? Et même si on l'était, nous, ce que l'on voudrait, c'est parfois des caresses. Moi, je les trouve jolies, les filles dans leurs habits, je ne sais quoi leur dire, leur parler de leurs yeux, ça voudrait sûrement mieux, ça les ferait pas rire. Je reste en ma maison où je perds la raison, je n'ai plus de boussole, les souvenirs s'en vont, et cela me désole. S'achève ma chanson. Je m'en vais, travelot, bonjour tous les homos, je ne laisse pas d'adresse, le moral à zéro, je retombe de haut, oh comme j'ai mal aux fesses. Ce n'est pas un monde poétique, on n'est pas là pour être sensible et délicat rêveur, mais pour être efficace. C'est un monde où le plus fort fait entendre raison, au plus faible, sinistre, gauchiste, gauchi qui a tort. Le petit rigolo aime les fleurs et la nature jolie. Il le paiera de sa santé mentale, peut-être de sa vie. Qu'on l'enferme pour son bien dans une clinique pour les handicapés de son espèce. Qu'on déploie toute la thérapeutique nécessaire à le réduire pour qu'il comprenne enfin où est son intérêt.